Évariste Ndikomanyanga. François Kimana sur la maison d'onde, bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce lundi 21 juin 2021. Donc voici d'abord l'essentiel. Désormais, la place est communément appelée Kwabganachamba en zone Nyakabiga va être aménagée pour devenir le marché de cette localité après la démolition du petit marché dans le but d'assainir la mairie de Bujumbura, fait savoir l'administrateur de la commune urbaine de Mukaz. Le reportage de ce lundi, axé sur les jeunes de la colline Chacha en commune Guiharo de la province Rutana qui s'étaient lancés dans la pisciculture mais qui ont travaillé à perte. Et la chronique sportive de ce lundi nous parle des conditions exigées pour être président d'une fédération sportive. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page commerce. Le petit marché de Nyakabiga a été démoli dans l'ordre des travaux d'assainissement de la ville de Bujumbura. L'administrateur de la commune, Mukaza, qui le dit, tranquillise les petits commerçants qui y exerçaient leurs activités. Il explique que l'administration municipale et communale ont trouvé un endroit, dit Kwabganachamba, où caser ces petits commerçants. Des études d'aménagement de ce terrain sont en cours, ajoute l'administrateur de Mukaza. Je vous propose de le suivre au micro de Moïse Misago. Il y a un petit marché qui se trouvait à Nyakabiga qui a été récemment détruit parce que nous avons constaté que le marché ne remplissait pas les normes d'hygiène et d'assainissement exigées dans le cadre de la mise en application de cette politique générale d'assainissement de la ville de Bujumbura, commencée par notre commune. Nous avons jugé bon que ce marché soit détruit pour que cet endroit soit bien aménagé, puisse refléter une belle image de la ville de Bujumbura. Mais on a constaté que la population qui exerçait des activités commerciales dans cet endroit a un problème particulier parce qu'ils n'ont pas là où exercer ces activités pour le moment. Vous voyez, ils sont éparpillés partout dans les rues de la zone de Nyakabiga, ce qui n'est pas une bonne chose. Et également, la population de Nyakabiga se lamente comme quoi ce petit marché leur servait comme marché pour cette zone, étant donné que cette zone n'a pas de marché. Et nous avons vu que c'est un problème que nous devons résoudre en tant que responsables de cette commune. Nous avons parlé avec les responsables de cette zone et nous avons soumis la question au maire de la ville de Bujumbura qui nous a promis de chercher un autre endroit où nous pouvons héberger ces petits commerçants et nous avons trouvé l'endroit communément appelé Kwabganachamba où nous allons bientôt envoyer des ingénieurs pour vérifier que cet endroit peut abriter ce petit marché donc la population de Nyakabiga et ses commerçants peuvent rester tranquilles. Nous sommes au courant de la question qu'ils ont et nous sommes en train de chercher toutes les solutions possibles pour que ces petits commerçants puissent avoir ou exercer les métiers. À la source, reportage. Je vous le disais en titre, les jeunes de la colline Chacha, en commune Guiharo de la province Rutana, qui se sont lancés dans la pisciculture, n'ont pas enregistré que des pertes. Ces jeunes entrepreneurs, de même que Pascal Ngirene, chef collinaire de Chacha, demandent l'appui afin de relancer ses activités. Cet administratif dit que ces jeunes n'ont pas pu bénéficier des 10 millions de financement destinés aux coopératives collinaires. Le reportage est signé Elini Ben Nibikid. Au début, ces jeunes n'étaient pas seuls. Ils ont commencé ce projet sous l'encadrement de l'association des démobilisés et combattants pour l'autodéveloppement ADK en sigle. Philippe Kanani est l'un des bénéficiaires de la formation sur la pisciculture et a intégré l'association coopérative juste après avoir terminé ses études secondaires. Moi, par exemple, je venais de sortir de l'école secondaire. Après nous avoir partagé cette idée et comme on vivait dans une pauvreté extrême, nous avons épousé l'idée et on a mobilisé d'autres, surtout ceux qui n'étaient pas sur le banc de l'école. Cette jeune femme a elle aussi été formée sur la pisciculture. Elle dit qu'avant cette perte, elle voyait l'intérêt de cet élevage de poissons. On m'a dit qu'il faut les nourrir à 9h et à 16h. On les nourrissait deux fois par jour. J'en voyais l'intérêt car après 6 mois, on pouvait trouver deux poissons pour manger, nous et les enfants. Vous comprenez que c'est un avantage énorme. Le fondateur de cette cette association coopérative qui a appris et partagé les connaissances sur la pisciculture, c'est Jean-Jé Gahungu. Il regrette que tous les poissons ont péri dans les étangs. Il avance comme raison le manque de soutien. Il demande à l'État, à commencer par le président de la République, d'appuyer ces jeunes. Nous demandons avec insistance. Si le chef de l'État nous soutenait, nous aurions une croissante production piscicole parce que nous avons acquis des connaissances, nous avons des jeunes très travailleurs. Nous ne trouvons pas ce qui peut nous développer alors qu'on est ambitieux. Nous avons démarré des terrains et des moyens, mais physiques. Pascal Ngirente, chef de la colline Chacha, trouve lui aussi que ces jeunes ont manqué d'encadrement. Même les fonds destinés aux coopératives collinaires n'ont couvert que les projets de Sangwe. Les autres n'en ont pas eu. Il y a plusieurs défis. Les sortes de poissons, par exemple, sont variées. Mais comme ils ne trouvent pas d'appui en espèces de poissons, ils avaient de bonnes espèces de poissons. Mais suite au climat, peut-être ils sont morts. Il est nécessaire qu'on varie de sortes de poissons. Mais aussi, la nourriture des poissons importe. Les fonds des coopératives Sangwe ont été octroyés ici chez nous, mais d'autres associations coopératives n'ont pas été couvertes. Dans deux étangs de poissons que possèdent ces jeunes, ils ont récemment introduit 50 nouvelles espèces et comptent aménager le troisième étang dans les prochains jours. Merci à Linibel pour ce reportage. Page environnement à présent, certains habitants proches du centre d'épuration des eaux usées de Buterere en commune urbaine de Nangwa craignent des maladies liées au manque d'hygiène suite aux odeurs nauséabondes qui s'y dégagent. Ces habitants indiquent que ça fait beaucoup de temps que ces eaux usées ne sont pas traitées avant de se déverser dans les eaux du lac Tanganyika. Ces habitants invitent les autorités concernées à trouver solution à ce problème. Les détails avec Lydie Gahimbare qui s'est rendue sur les lieux. Sur le centre d'épuration de Buterere, en commune Nangwa, ont des bassins et couverts à moitié des herbes qui flottent au-dessus de l'eau. Si ce bassin même, une partie est sèche. On constate même un sentier où on peut passer à l'aise, comme on est sur le sol, comme d'habitude. Et les gens utilisent ce sentier. À quelques mètres de ce bassin même, des déchets flottent aussi sur une grande partie. Certains habitants proches de cette localité craignent des maladies liées au manque d'hygiène suite aux odeurs nauséabondes dégagées par ce centre. Selon eux, on peut passer même des semaines sans y mettre de produits pour le traitement de ces eaux usées. Ils demandent aux autorités concernées de trouver solution. Ces eaux usées de la couleur verte se déversent dans le lac Tanganyika. Merci Rudy Gahimbare pour ce détail. Le chef de l'État a reçu une audience aujourd'hui. Le représentant de l'Union européenne côté gouvernement du Burundi, c'est la satisfaction. Il croit que les sanctions que l'Union européenne avait prises pour le Burundi vont être radiées. Je vous propose de suivre le représentant de l'Union européenne au Burundi. J'étais venu l'informer des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail internes aux institutions européennes, associant l'ensemble des 27 pays membres de l'Union européenne au sujet du Burundi. Et donc, à la fin du mois dernier, ces groupes de travail ont unanimement donné l'orientation de travailler aux experts juridiques, aux traducteurs des institutions, afin que soit révoquée la mesure qui suspendait l'aide financière au pouvoir public burundais. Et donc, c'est un progrès remarquable, un développement important, raison pour laquelle j'avais sollicité en informer le président, puisque il y a quelques mois encore, il y a 6-7 mois, l'opinion n'était pas la même. Donc il y a eu une évolution importante dans les opinions des ministres de l'Union européenne et des institutions. Et cette opinion, bien sûr, a été attentive à ce qui s'est passé au Burundi. Et donc c'est sur la base des évolutions positives qui ont, qui ont été initiés par le président de la République en termes de bonne gouvernance et que ces mesures ont été prises. Bien entendu, ces experts, disons ces représentants des ministres, ont aussi observé que d'autres progrès étaient attendus aussi et seraient les bienvenus. Il y a une étape nécessaire qui a été franchie. Ce sont les deux groupes de travail dont je parlais à Bruxelles. Ce n'est pas une étape suffisante. Il faut encore maintenant que le texte juridique soit établi et adopté. Donc ça prendra encore un peu de temps. Mais définitivement, le train a quitté la gare et donc il est parti. Donc plus de conditionnalité. Ah non, non, absolument pas. Non, non, il n'y a pas de conditionnalité. Non, non, absolument pas. Voilà, je vous remercie. Radio Isanganiro, chronique sport. Avoir des connaissances dans le domaine du sport, être ancien joueur ou leader sportif sont certains critères pour diriger une fédération sportive. Laurent Nzeimana, directeur de sport au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions, qui le dit indique que les dirigeants des fédérations sportives doivent être du niveau universitaire dans le but de représenter leur fédération dans les réunions internationales qui ne se déroulent pas en langue nationale. Détail dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenet. Avant d'agréer une fédération sportive, on doit d'abord analyser le dossier déposé par la dite fédération au ministère de l'Intérieur. C'est l'explication de Laurent Deimana, directeur des sports au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions. Pour agréer une fédération sportive, on lit les textes, les régissants déposés au niveau du ministère. Ce qui compte plus, c'est le statut qui doit être déposé au ministère des Affaires de la communauté africaine, de la jeunesse, des sports de la culture, et on voit si ces statuts sont conformes à la loi régissant le sport au Burundi. Laquelle loi a été promulguée? Alors, on voit si la conformité est là et on l'agrée comme association, club ou fédération sportive. La fédération qui demande une adhésion doit avoir les moyens suffisants pour organiser les compétitions. Ces fédérations sportives, comme je l'ai dit, ils ont ce pouvoir délégataire. À leur niveau, à l'interne, ils voient dans quelle mesure organiser le budget que cela peut coûter au niveau de l'association comme au niveau de la fédération. Et ils ont le plein droit de chercher des partenaires, de chercher des sponsors pour leur venir en aide et ainsi organiser le championnat. Là, ils ne peuvent pas être en mesure de satisfaire les besoins relatifs à cette organisation. Bien sûr, ils font appel au ministère parce que nous sommes leurs parents. Ils viennent vers nous et on voit dans quelle mesure on peut leur venir en aide et ainsi pouvoir organiser leur championnat et qualifier à la phase finale. Et être ancien joueur ou leader sportif sont certains critères pour diriger une fédération sportive. Critères pour diriger une fédération sportive, il doit d'abord en savoir-faire dans la discipline, avoir été ancien joueur ou ancien leader sportif quelque part, mais aussi avoir un bagage intellectuel lui permettant de bien diriger les gens et la discipline, mais aussi une fois dans des congrès, dans des compétitions internationales, la langue utilisée n'est pas le kirundi, soit à mesure de s'exprimer dans la langue utilisée dans ces pays. C'est pourquoi la plupart, sinon pas tous, des dirigeants sportifs, dirigeants des fédérations ou des associations provinciales sont des personnes instruites. Ils ont un niveau qui permet quand même de bien diriger, de bien marier et le savoir-faire technique, mais aussi l'intelligence suffisante pour pouvoir diriger les gens et la discipline. Toutefois, Laurent Deimana indique qu'une association sportive regroupe des personnes physiques autour d'une même passion, objectif ou projet au moment où une fédération regroupe des personnes morales ou organismes associatifs partageant le même objet. Avant l'actualité internationale, parlons santé. Le ministère burundais de la Santé publique appelle les catégories de mères et d'enfants concernées par la campagne de vaccination de répondre à l'appel durant ces 3 jours de prolongation. À partir de ce lundi, Dr Jean Bosco Girukushaka, porte-parole de ce ministère, fait savoir que les moins de 5 ans n'ont pas répondu comme souhaité. Il précise en outre que cette campagne n'a aucun lien avec le vaccin contre la COVID-19. Actualité internationale. En actualité internationale, les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo qui s'ouvrent le 23 juillet ont décidé ce 21 juin 2021 d'autoriser des spectateurs locaux avec une jauge de 50% sur les sites de compétition et dans une limite maximum de 10 000 personnes selon un communiqué. Mais les compétitions pourraient se dérouler à huis clos si les infections COVID-19 se multiplient de nouveau, ont précisé les organisateurs. Les nouvelles restrictions liées au COVID-19 portent un coup au commerce dans la capitale Kinshasa, nous sommes en RDC. Bars, boîtes de nuit et terrasses contraints d'être fermés par les autorités pour faire face à la troisième vague de la pandémie plus virulente que les deux premières. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimman pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Évariste Ndikoumanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.